Salut Charlie. Alors, est-ce qu'il y a des bons sujets sur le feu? Non, alors, rien. Ah bon, ah, moi, j'ai feuilleté le Figaro. Ah, génial, génial. Attends, j'ai pas encore dit le sujet. Non, non, mais je disais génial parce que t'as lu la presse. Ouais, il a dit feuilleté. Vous voulez connaître mon thème? Vas-y, vas-y, vas-y. C'est Waterloo. Ah non, non, non, c'est pas un bon sujet. Ah, si, si, si, si, c'est intéressant. Ah non, non, non, je trouve pas. C'est quoi l'axe du papier? Eh bien, c'est que justement, les Français n'aimeraient pas parler de Waterloo. C'est pas vrai. Alors là, on dirait que ça vous dit. Non, c'est un mauvais sujet, c'est tout. Vous n'y connaissez rien. Est-ce que vous saviez que c'était il y a 200 ans Waterloo? Ça m'est égal. Voilà, c'était égal. Non, c'est un très bon sujet. J'ai l'impression. Non, mais vous, les Belges, vous pouvez pas comprendre. Ah, tu peux pas dire ça parce que vous êtes venus vous battre chez nous et en plus vous nous engueulez. Non, non, non. Et en plus, nous respectons l'histoire parce qu'on va même faire une reconstitution. Non, mais oui, madame, vous êtes des grands malades. Pourquoi vous dites ça? Bah, toute l'Europe vient saccager votre pays il y a 200 ans. Et vous faites une fête, c'est déjà fou, mais en plus, vous reconstituez le carnage. Oui, mais enfin, je sais pas. On aime Waterloo, c'est comme ça. On l'apprend à l'école. Mais bien sûr qu'on l'apprend à l'école. On va même sur place. Sur place, il n'y a plus rien. Bah, non, Waterloo, morne plaine. Génial. Et on connaît même des anecdotes que vous connaissez pas, hein, les Français. Ouais, bien sûr. Si Napoléon a perdu Waterloo, hein, c'est parce qu'il était fatigué, parce qu'il avait pris trop de médicaments à cause d'une crise d'hémorroïdes. C'est fou. Parce que je savais que Napoléon était parti de Waterloo en ayant mal au cul. Enfin, je savais pas qu'il avait déjà en arrivant. C'est dingue. C'est fou. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité au couteau de boucher. Et voici les trois informations qu'on va débiter jusqu'à 18h. Le Figaro Magazine nous l'annonce aujourd'hui, c'est la rupture entre la gauche et les intellectuels. Enfin, les pseudo-intellectuels. Littérature, qui a écrit les fables de La Fontaine? La Fontaine. Très bien, qui a écrit les lettres de Montmoulin? Les zadistes bataillent à Notre-Dame-des-Landes, au barrage de Sivens et maintenant dans le 16e arrondissement de Paris, où ils sont surnommés les jadistes. De jadis, les temps anciens, bien sûr. Oui, mon donjon. Où sont mes ours et mon pont-levis? Et mes oubliettes sont toujours intactes. La France passe son temps à commémorer, mais pas la bataille de Waterloo, qui reste tabou 200 ans après la défaite de Napoléon. Rien n'est terminé! Rien! Tout continue à cause de vous! C'était pas ma guerre! C'était pas ma guerre! Et pour s'emparer de ces informations, je suis accompagné de celui qui lève des filets à partir de grosses blagues, Alex Vizorek. Mais oui, pêcheur de blagues, ça me va très bien. Bonjour Charline, et autour de la table, que du beau monde! À 17h20, hier, il a fait une chronique sportive complète sans qu'il y ait une seule erreur dedans. Et on a reçu énormément de courriers de gens déçus, disant si on l'aime, c'est pour son lyrisme et pas pour son exactitude. Bonjour Samir Bouadi. Bonjour, ça fait plaisir, bel accueil. Ben, je vais essayer de pas faire... Ah si, je vais peut-être faire une erreur. S'il vous plaît. Et dans quel thème vous allez faire une erreur? On va parler un petit peu d'un certain Zinedine Zidane et de ses trois enfants. Ah, à 17h30, alors hier, il était là et aujourd'hui, il est à Mulhouse pour jouer son spectacle à l'entrepôt ce soir et demain. Mais il nous a laissé une de ses meilleures chroniques. Guillaume Meurice avait été au Salon des Seniors pour y rencontrer des gens et parler notamment de leurs idoles. Ben, on le connaît bien, monsieur André Manoukian. Et oui, ils ont parlé de Dédé. À 17h40, hier, elle a mangé une demi-douzaine d'orangettes. Elle n'a pas reconnu l'invité et elle a fait une chronique sur la littéroproctologie. C'est une femme pleine de surprises et c'est pour ça qu'on l'aime. Bonjour Clara Dupont-Monod. Bonjour Alex. Donc on va parler? Alors on va parler du livre de notre invité où il sera question de chien d'aveugle. Et à 17h55, hier il n'était pas là. Hier il écrivait sa chanson et hier il s'est dit comment est-ce que je vais chanter des horreurs sur une musique qui les adoucira. C'est bien sûr Frédéric Fromet qui terminera la semaine avec nous. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous De Gaulle. Vous publiez votre premier roman, 20 ans et des poussières, en 82. C'est l'année où Jack Lang crée la fête de la musique. Vous recevez le prix Goncourt pour Un aller simple en 94 quand le chanteur Kurt Cobain décide de prendre Un aller simple pour le Nirvana. Vous publiez le Dictionnaire de l'impossible en 2013. C'est l'année où il est impossible que Jérôme Cahuzac ait un compte en Suisse, bien sûr. Et donc, je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes. Didier Van Cowell. Oh, très bien, bienvenue. J'ai prononcé la belle. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Mais comment Didier Van Cowellart? C'est trop difficile pour nous, hein, les Belges. Ouais. Nous sommes en minorité, Samia. C'est vrai, on trois est débordés. Trois Belges contre deux Français. Lui, c'est moitié-moitié, hein, Didier. Oui, moi, je suis né à Nice. Hein. Je suis belge adoptif, mais non fiscal. Vous êtes habitué à dire Van Cowellart, comme disent les Français? Bah oui, les concessions commencent. Comme disait Louis Jouvet, quand on lui disait, il demandait une chaise pour s'asseoir au cinéma. Donc, apporter un tabouret. Donc voilà. C'est comme ça. Bon, alors nous, on a décidé de vous appeler Didier Van Cowellaert. Oh. J'espère qu'on va vous reconnaître. On n'y arrivera pas, quoi. Les gens vont se dire qui est ce nouvel auteur. Plein c'est de promesses. Pseudo. C'est un... Didier Van Cowellaert, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, publie Jules chez Albin Michel. Alors, Alice est speakerine à RTL et non-voyante. Zibal surdiplômé mais vendeur de macarons à l'aéroport. Jules, c'est le chien d'aveugle. Et c'est quand le bonheur arrive et que la lumière revient que tout se déstructure. Alors, Clara Dupont-Monod, on va en reparler avec vous à 17h40, bien sûr. Vous avez lu le livre de Didier Van Cowellaert. Je vous laisse la main. Je vais vous appeler Didier. Hein. Oui, oui, d'accord. Voilà. Non, mais c'est, en fait, voilà, elle retrouve la vue et à partir de là, tout se délite parce qu'elle n'a plus besoin de Jules, qui est ce chien d'aveugle. Est-ce que c'est l'unique raison pour laquelle tout se délite ? Est-ce que ça lui fait plaisir de retrouver la vue ? Non, d'abord, elle a vu jusqu'à l'âge de 17 ans. Et puis, pendant un viol, ses agresseurs, qui ont eu peur d'être reconnus, lui ont balancé un jet d'acide dans les yeux. Donc, elle a eu ensuite des années d'obscurité où elle s'est construit une autre réalité. 12 ans. Voilà, et où elle s'est construit un monde qui lui ressemblait. Ça est très souvent là, pour supporter le handicap, on se fabrique une force, non pas de compensation, mais une force qui en fait va subjuguer ceux qui n'ont pas ce handicap. Il faut être toujours plus. Et elle est plus joyeuse, elle est plus sensuelle, elle est plus énergique que les gens normaux, entre guillemets, parce que sinon, ça serait le fond du gouffre. Et vous écrivez « Le devoir de bonheur auquel je m'astreignais, par fierté et instinct de survie, est remplacé désormais par un simple code de décence. Je n'ai plus le droit d'aller mal. » Oui, parce que tout le monde se dit « Mais qu'est-ce qu'on est heureux pour vous ? C'est retrouver la vue grâce à une opération de la cornée à 30 ans, c'est génial. » Elle ne va pas dire non. Alors que pour elle, le drame commence par la déprime de son chien. Rien ne peut arriver de pire à un chien d'aveugle que le fait que sa maîtresse recouvre la vue. Oui. Il perd ses repères, il perd sa raison d'être, tout son lien de dominant altruiste. Donc, il déprime, il mange plus, il est... Et puis, il est à Pôle emploi, surtout. il est au chômage. Mais Alice aperçoit aussi qu'autour d'elle, les gens sont laids. Il y a un passage très drôle. Oui, où elle travaille à RTL, donc... Cher Alex Vizorek, je parle de ses amis. Il y a deux de ses copines, notamment, elle se dit, tiens, elle est drôlement bien roulée finalement. Et l'autre, elle se dit, oh, elle a pris un coup de vieux. Elle découvre aussi le visage de son lien amoureux. Oui. Elle l'avait jamais vu. Oui, parce qu'elle est tombée amoureuse en imaginant la personne. Et alors, c'est pas tellement que les gens sont plus ou moins beaux, c'est... Ils se comportent avec quelqu'un d'aveugle d'une manière très différente parce qu'ils ne sont pas jugés. Donc tout à coup, lorsqu'Alice recouvre la vue, tout à coup, en face d'elle, les gens se disent « Oh là là, elle va me voir ». Donc ils cessent d'être naturels, ils changent. En fait, c'est pas tellement son regard qui change. Bon, son regard redevient valide et redevient opérant, mais ce regard dérange ceux qui justement... évidemment, quand on vit avec une aveugle, on n'est pas obligé de se changer tout le temps, d'être propre, d'être beau. Et tout à coup, voilà, la personne qui partage sa vie se dit, pour fêter ton opération, je vais me faire un lifting. Et puis voilà, donc c'est un humour un peu coincé, révélateur, mais tout change autour d'elle. Et peut-être le pire, c'est qu'elle peignait aussi outre. Bon, elle était voix de radio pour gagner sa vie, mais elle peignait. Et elle pensait que dans ses tableaux, puisqu'elle peignait à la température des couleurs, chaque couleur a une température différente pour un non-voyant, donc pour elle, elle donnait toute la force de joie intérieure qu'elle s'était fabriquée, et tous les gens lui disaient « Oh, vos tableaux, ça donne la pêche, c'est super !» En fait, il répétait ce qu'elle disait sur le catalogue. Et elle découvre que ses tableaux, en fait, sont complètement plombés. On en fait parler de sa détresse intérieure qu'elle cachait, et pas du tout. Et pour elle, mais c'est une autre forme de viol psychique. Ouais, là. Ouais. C'est s'être trompé sur l'image qu'on donnait de soi, avoir été jugé de travers, tout le monde vous a menti, vous êtes menti sans le savoir à vous-même. Donc, elle se prend les pieds dans ce tapis. Et comme vous disiez, c'est indécent. On peut pas dire oui, c'est terrible, j'ai recouvré la vue. Mais, et puis, c'est surtout son chien, quoi. Elle préférait ne rien voir à deux avec Jules que de voir toute seule. Non, mais je voulais juste ajouter, parce que moi je suis anosmique, c'est-à-dire je n'ai pas d'odorat. Et je suis très inquiet à l'idée d'éventuellement le retrouver. C'est pour ça, on n'osait pas vous suggérer de prendre une douche. Mais non, mais c'est vrai. Mais justement, parce qu'il y a des comportements qui, chez les autres, doivent être différents. Voilà, mais donc il n'y a pas d'animaux pour ça qui peut. Mais non, un chien pourrait être très utile pour sentir les choses à votre place. Oui, mais il partirait tout de suite à ce moment-là. Si nous on sent le chien qui a quand même 70% d'odorat de plus. Et ce chien, c'est Jules, Didier Van Cowellaert, publié. publié chez Albin Michel. Et alors, un hommage à Alice, que dire d'autre ? Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. Just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town. I Got a Woman, Ray Charles sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Didier Van Covelaert. Je traduis pour les Français. La classe. Nous sommes en compagnie de Didier Van Covelaert qui publie Jules chez Albin Michel. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Eh bien, Guillaume Meurice n'est pas là, mais on repassera l'un de ses meilleurs moments. Mais par contre, ceux qui sont là, les présents, c'est Samir Bouadi et Clara Dupont-Bonneau. Allez, on commence par une revue de presse à deux voix. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Lui, c'est le raisonnable, elle, c'est la colérique. C'est juste faux. Lui, c'est le modéré, elle, c'est l'excessive. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence par Laurent Wauquiez. Alors, c'est Wauquiez, donc. Mais oui, toujours dans ce papier du Monde dont on a déjà parlé hier. Alors, on apprend que son territoire, auquel il tient beaucoup, Laurent Wauquiez, il est très attaché. Ce territoire a caché de nombreux juifs pendant la guerre et il dit fièrement « C'est en face de chez moi qu'on a accueilli et protégé Elie Chouraqui. » Ah, waouh, c'est beau. Ouais, oui, c'est très, très, très beau. Surtout qu'Elie Chouraqui est né en 1950. Ah, oui. Et Alors, passons plutôt à une information sur Valérie Pécresse. Alors. Oui, Valérie Pécresse a pris le métro. Pardon ? Elle a pris le métro. Oui, enfin, Alex, vous m'aviez promis une info. Ah ben, c'est une info. Ah. Dans Libération, il y a une photo avec écrit qu'elle a fait une immersion dans le métro. Ah oui, bon, voilà. Très bien. Bah, écoutez, oui, vous me demandez, j'en ai, moi, des infos. Bah, oui, oui. Une interview de Jean-Vincent Placé, à présent. Oui, il était invité aujourd'hui du talk du Figaro et Yves Tréhard lui a posé une question. Wow, vous êtes beaucoup moins présent dans les médias, d'ailleurs. Oui, parce que je vais être très franc avec vous. Attention, il va être très franc avec lui pour lui répondre. Et là, s'il le dit, c'est que des fois, quand il répond, il est parfois moins franc. Et qu'est-ce qu'il a répondu à cette question, donc ? Vous êtes beaucoup moins présent dans les médias, d'ailleurs. Oui, parce que je vais être très franc avec vous. Je pense qu'à un moment, À force de réagir sur tout et sur n'importe quoi, sur des sujets sur lesquels d'ailleurs on n'a pas plus d'expertise que d'autres. Ouais. Eh ben ouais, t'avais raison, mon Vincent, t'as pas plus d'expertise que moi. Il faut oser le dire. Vraiment, et ça augmente ta crédibilité d'être honnête comme ça, et ça, je te le dis très franchement. Passons à l'international, Alex. Oui, selon Slate, le gouvernement américain ne dévoilera pas les vidéos porno d'Oussama Ben Laden. Quand ils l'ont arrêté, ils ont pris de nombreux documents chez lui et ils ont dit, voilà, ça, on a dévoilé beaucoup, mais ça, on ne le dévoilera pas. Ah bon, bah c'est pas de chance. Ah, j'ai la liste. Ah. À trois sous la burqa, il l'avait. Kaboul de Geisha, il l'avait. Et le formidable Je te tiens, tu me tiens par les barbichettes. Qui était, et quand il sortait, c'était Kaboul à facettes. Excellent, assez cadeau. Merci. Et je le dis aux auditeurs, c'était pas écrit, ça lui est venu comme ça, c'est une fulgurance. Hein, ça. Merci Alex pour ces infos. Passons à un fait divers parisien. Oui, 5 voleurs présumés ont été interpellés la semaine dernière en région parisienne avec un mode opératoire peu courant. Pour choisir les victimes, ils voulaient des personnes âgées et ils les ciblaient sur les prénoms Ginette, Marie-Rose, Antoinette. Et regardez, c'est des vieux prénoms, c'est fou. Oh là fou, là, ça. C'est terrible. Alors, oui, c'est terrible, et surtout pour vous. Hein, Charline, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire tirer votre sac. Comment? C'est pas vieux, Charline, je vous signale. Moi, ça le fait un peu quand même. Pas du tout, enfin. Bon, allez, on termine par une déception. Oui, déception. Et pour tout le monde. Même vous, à mon avis, Didier Van Cavallard, vous l'avez raté. Du 2 au 13 mai, il y avait la croisière Valeurs Actuelles. Non, oui. Que des lecteurs de Valeurs Actuelles sur un bateau. Bateau de chez Costa. De chez Costa. On voit la chute. Et non, ils sont arrivés. Il y avait sur le bateau, en plus, il y avait des orateurs. Il y avait Sophie de Menton, il y avait Catherine Ney, il y avait Denis Tillinac. C'était au départ de Nice. Ah, en Méditerranée. Ouais. Je trouve ça bien. Ça prouve à Valeurs Actuelles qu'il n'y a pas que les bateaux de clandestins qui polluent la Méditerranée. Merci Alex Wizorek. Oui, très bien. Mais c'est pour ça que j'ai enlevé le W. Parce que mon vrai nom, c'est W. Les Français ne savent pas le prononcer. Et voilà. Vous auriez pu l'écrire avec un V. Didier Van Cauvelaert. Oui. Bah déjà, il y avait trop de lettres dans mon nom au départ. Avez le même problème que le mien. On a essayé de vous amputer, vous aussi, dans la vue nôtre. C'est quelque chose. Hein. Surtout, on a failli rater beaucoup d'avions lors des derniers appels à l'embarquement. Il n'y a pas assez de cases. Quand on ne reconnaît pas son nom, c'est gênant. Nous sommes ensemble. Jusqu'à 18h avec Didier Van Cauvelaert. Le premier sujet avec vous, c'est le divorce entre la gauche et les intellectuels. C'est la couverture du Figaro Magazine aujourd'hui qui écrit « La gauche avait déjà perdu le peuple et voilà les intellectuels qui la désertent, c'est cruel ». Mais il faut pas chauffer les intellos en ce moment. Mais Émeric Caron, il y a des gens qui bossent sur des sujets. Pourquoi cette chronique n'existe plus sur le site de France Culture? Mais je m'en fous de vos questions. En fait, ça me fait chier de parler avec quelqu'un d'aussi con que vous. Je suis désolée. Je peux reprendre une conversation, Léa Salamé. Vous dites des saloperies. Bon, j'en ai marre. D'accord, j'en ai marre. Je peux finir, juste de dire. Non, laissez-vous. Non, amenez-le à passer. Le monsieur est un petit peu énervé, c'est un Alain Finkielkraut. Oui, Alain Finkielkraut, s'il veut se détendre, qu'il aille faire la prochaine croisière Valeurs Actuelles, hein, ça va le détendre. Voilà, il y avait aussi Caroline Fourest, Émile Caron, Bernard Kouchner, qu'on peut, voilà. Et la chanson rive gauche. Et featuring Alain Souchon, bien sûr. Alors, c'est donc la couverture aujourd'hui du Figaro Magazine. La réforme du collège a montré ce qui se trame depuis un moment, cette rupture entre la gauche et ses intellectuels. D'ailleurs, Manuel Valls s'en est pris au livre de Zemmour. Alors ça choque le Figaro, bien sûr, qu'on s'en prenne au livre de Zemmour. De Houellebecq, qui s'en est pris aussi à Michel Onfray, à Emmanuel Todd. Didier Van Cauvelaert, je ne sais pas si vous regardez ça de près ou de loin, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un fossé aujourd'hui entre nos politiciens, et particulièrement de gauche, et nos intellectuels, les intellectuels qu'on classe souvent à gauche? Ou tout ça, c'est des clichés, il n'y a rien à en tirer? C'était le moment où les politiques sont fiers d'avouer qu'ils ne lisent pas de livres. Il n'y a pas de fossé, quoi. Il y a une absence, tout ça. Mène un chemin qui mène nulle part. Je sais pas, je suis un petit peu atterré quand même par le niveau de tout ça. Il y a une accumulation de choses. Quand on dit au secours Mitterrand, c'est vrai qu'il y a quand même un président qui là avait des lettres, avait des références. C'est un président de droite dont vous parlez. Eh oui, d'où la nostalgie. Il aimait beaucoup Barrès. Mais... Hein. Il aimait Barrès, Drieu La Rochelle. Enfin, c'était quand même des. Mais Drieu La Rochelle, c'est un grand écrivain. Oui, Barrès aussi. Non, je pense que, parlons de Jaurès ou parlons de tout ça, je veux dire, quand même, la culture est une valeur essentielle de la gauche. Je trouve ça un peu indécent, ce qui se passe en ce moment, quoi. Surtout qu'on en vient à l'insulte, traiter de pseudo-intellectuel, des gens qui rappellent qu'il est quand même bon de respecter la modernité du grec, par exemple. L'invention du féminisme, c'est Aristophane, c'est l'assemblée des femmes. Étonnant qu'on n'ait pas dit ça à Madame Najo Belkacem. Et vous mettez le doigt dessus justement parce que le Figaro Magazine explique que Hollande est plus intéressé par les problèmes économiques et sociaux que par les enjeux culturels. Et donc le fossé s'élargit. Oui. Non, mais il est gentil Hollande parce que quand il a remis la décoration à Modiano, il a dit vous êtes écrivain, je précise pour ceux qui n'auraient pas eu accès à vos livres. Donc il traduit quand même un peu. Alors il y a une phrase de Pierre Nora qui est pas du tout un pseudo intellectuel dans le Figaro, et il dit « Les intellectuels peinent à trouver leur place dans un système d'information où le manichéisme et la pensée binaire feront toujours plus d'audience que la nuance. » Est-ce que ça, aussi en tant qu'écrivain, vous le percevez ? Mais oui, sauf que c'est quoi faire de l'audience aujourd'hui ? Il me semble que la nuance est la chose qui nous intéresse. Qui écoute les politiques ? Qui écoute les intellectuels aussi, mais... ce qu'on a dit par exemple, la seule chose intéressante pour moi sur la réforme des collèges, c'est que c'est pas la réforme qu'il fallait faire, il fallait faire la réforme de l'école primaire. C'est ce qu'a écrit Daniel Salnave dans Politis. Et en effet, il faut inverser complètement la conception qu'on a de l'éducation, puisque c'est l'école primaire où on risque de casser les enfants à jamais et on risque déjà où on a les chances de leur donner l'envie de l'effort, le plaisir de l'effort, à un moment où ils sont demandeurs. Et alors après, on dit, il s'ennuie, il faut faire quelque chose au collège parce qu'il s'ennuie. Mais s'il s'ennuie au collège, c'est qu'au moment où il demandait à ne pas s'ennuyer à l'école primaire, on dit, c'est trop tôt. Vous savez, on en revient à Pagnol où il fallait apprendre à lire à cachette. Déjà, à l'époque, il fallait pas aller trop vite. Alors que les enfants demandent à aller vite, ils ont faim. Et c'est là qu'il faut leur donner à manger. Il ne faut pas leur donner du Nutella après. Après la réforme du collège, la réforme du primaire, ça. Non, mais il fallait faire dans cet ordre-là, quoi. La raison, Daniel Salnave. Mais bon, c'est une intellectuelle, donc faut pas l'écouter. Une vraie, c'est ça. Samir Bouadi, nous allons nous élever aussi par les nourritures intellectuelles à cette heure-ci sur France Inter. Je vais vous parler de plein de Zidane, de quatre Zizou, alors de Lucas surtout. Lucas, c'est le deuxième fiston de celui qui fut en son temps le meilleur joueur du monde. Alors pourquoi le meilleur joueur du monde quand on parle de Zidane ? Parce qu'il avait ce que très peu de joueurs ont. Hein, et cette chose que l'on définit par l'absence de mots pour la définir devrait pouvoir s'appeler magie. De cette magie simple qui fait que la prouesse est moindre, creuse, en transparence. De cette prouesse qui fait des rides à tous les fronts du pire. Zidane, il avait de ses trouvailles qui taisent les tenants du réel. Une sorte d'archéologue de l'espoir qui va fouiller là où on n'oserait même pas poser un ballon, de peur qu'il frôle une mine antipassionnelle. C'est ça, Zidane. Et c'est autre chose en même temps, une certitude du côté de la France. Avec lui, la voilà possiblement unie, fière d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire un tout petit bout de la planète qui ne cesse, pour une fois, de donner des leçons pour enfin les offrir. Zidane, c'est lyrique au siècle dernier. C'est une transe en danse, un pas de géant, un ninja qui va tourner plus vite qu'un derviche et faire se découdre les drapeaux et faire se recoudre des ghettos et faire se résoudre les bobos. Oui, le foot, c'est beau quand c'est Zidane. Les femmes s'y mettent aussi en 98. Au siècle dernier, la décadence est belle comme un défilé de jolies qui cambrent en talons et marchent juste. Les passements de jambes se font aussi dans les gradins qui deviennent vite des loges antiques. On soulèvera des coupes, on boira des bulles et Zidane sera toujours le meilleur porteur d'eau. La France avec Zidane au siècle dernier, c'est une utopie joyeuse en robe de soirée qu'on taille dans des shorts. Et plus le temps passe, plus les passes sont belles. Il faudra attendre un match rêvé contre un Brésil fasciné en 2006 pour toucher de l'iris ce que le mot « facile » veut dire. Alors là, tout est dit. Alors il faut reprendre le mot de Mark Twain. Ils ne savaient pas ce qui était impossible. Alors ils l'ont fait. Et de l'adapter pour Zidane. Alors, il l'a fait. L'après Zidane, c'est quoi ? C'est une autre génération qui prendra le pouvoir. Et cette nouvelle génération n'aura pas de leçons à recevoir du vieux. Surtout que ce vieux-là n'a pas envie de leur apprendre à jouer au foot. Pas du tout. Le génie ne se transmet pas. Sauf peut-être de la manière la plus radicale qui soit, en faisant des enfants. Alors Zidane a choisi la famille comme lieu unique de transmission, même s'il est entraîneur aujourd'hui. Sa vraie passion, c'est le silence. Et le silence veut dire quelque chose en famille. Voilà donc ce soir, en équipe de France de football, des moins de 17 ans, un Zidane, de son prénom Lucas. Il va jouer. Il est gardien de but. Il a arrêté 3 pénaltys contre l'équipe de Belgique, Waterloo en arrière, mon cher Alex, en demi-finale, et de fait a qualifié la France pour une finale de Coupe d'Europe face à l'Allemagne. Durant la séance des tirs au but, il avait tenté de placer une Panenka. Ce geste appartient à Antonin Panenka, qui n'est pas Antonin Artaud, un ancien joueur tchécoslovaque. Mais ce geste appartient aussi à Zidane en finale d'une Coupe du Monde qu'il ne finira pas. Ce geste est une sorte de détournement de l'évidence. Il s'agit de ne pas tirer à droite ou à gauche du gardien, mais au-dessus, en appliquant la règle de l'humiliation par la lenteur. Ce qui ne va

recouvert. Recouvrer. Ah oui, donc voilà, c'est ça, les deux. Je dis retrouver, vaut mieux dire retrouver, recouvrer la vue. Didier Van Cauwelaert, Jules, c'est paru chez Albin Michel. Il est avec nous jusqu'à 18h. Vous êtes bien sur France Inter, en compagnie de Samir Bouadi, Clara Dupont-Mono. Bonsoir. Alex Vizorek. Oui, et Guillaume Meurice qui n'est pas là, mais qui nous a laissé un petit quelque chose. Guillaume Meurice, c'est notre reporter de salon. Et ici, il a été dans un salon assez particulier, on s'en souvient. Ce matin, ouvrait Porte de Versailles, un grand salon consacré aux seniors. Alors un senior, qu'est-ce que c'est? C'est comme un vieux, mais qui a de l'argent. Et ça change tout. Ça change tout, car un tas d'activités est prévu pour qu'il crache un maximum de blé avant de le bouffer par la racine. Il y a par exemple des clubs de rencontres, dont un qui s'appelle Quintonique. Quintonique, c'est un site de rencontre amicale où les membres peuvent créer des activités, participer à des activités. On a plus de 300 000 membres en France. Mais alors, c'est un groupe de rencontre pour les vieux? Alors, c'est pour les seniors dynamiques. Ah oui, pardon. Voilà. Ah oui, j'ai dit vieux, pardon. Voilà. Ah, pardon. La boulette. Les seniors dynamiques, donc. Il y en avait plein. Alors, on va pas se mentir, ils n'étaient pas tous au top du dynamisme non plus. Hein. C'est pour ça que ça m'a beaucoup étonné d'apercevoir le stand de la Fédération française de tir. À quel moment c'est une bonne nouvelle de donner des armes à des gens qui voient plus très bien et qui ont la tremblote? Mais c'est pas très grave ça. Ah bon? Que tout le monde tremble. Même les champions olympiques et tout, ils tremblent sur les champions olympiques. Ils tremblent un peu moins que les autres. Vous avez combien de pertes par an? De pertes? Personne. Après, ça a une mauvaise connotation parce qu'il y a tous les... Surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, c'est vrai que ça a une mauvaise connotation, mais voilà. Eh oui, c'est vrai que le djihadisme a fait beaucoup de mal à la réputation du tir en France. Tous nos meilleurs espoirs sont partis en Syrie. Ça, c'est quand même fort dommage. Mais puisqu'on parle insécurité, il y avait, comme dans tous les salons, un stand de la police. Et on va pas se mentir, c'est souvent mon stand préféré. Ils avaient installé un immense panneau avec marqué en énorme « Vol à l'arraché, vol à la tire, violence, agression ». Il manquait plus que l'inscription « Émasculation de Michel Drucker » pour terrifier encore plus les vieux croulants, les seniors dynamiques, pardon, excusez-moi. Tout ça était un tout petit peu anxiogène. Alors effectivement, ça peut paraître anxiogène. Néanmoins, ce sont les risques auxquels les personnes les plus vulnérables, entre guillemets, peuvent être rencontrées. Voilà, les risques auxquels les personnes peuvent être rencontrées. Tout ça, entre guillemets, hein, bien évidemment. Mais ne dévions pas de notre sujet. Les inscriptions étaient donc un tantinet violentes. Mais là, quand même, on dirait un reportage de Jean-Pierre Pernaut, quasiment. Oh non, quand même pas, n'exagérons pas. Mais c'est vrai qu'on attire, on va attirer, je dirais, les visiteurs avec des termes un petit peu anxiogènes, mais qui vont les faire réagir et venir nous voir pour nous demander des conseils et savoir comment réagir. Ah, vous faites du racolage aussi alors? Il faut, en principe, le visiteur ne veut pas directement venir nous voir. Eh ben oui, il faut l'attirer, le visiteur. Le policier fait sa pupute au salon des seniors, donc c'est intéressant. La sécurité, c'est l'argument principal pour séduire le grabataire sénile, le senior dynamique, pardon. J'ai du mal. Comme chez ce vendeur de téléphone avec des fonctions adaptées. Des fonctions pour mettre vos codes secrets, enfin... Il y a des fonctions, des applications pour noter le code secret? Voilà, tout à fait, une sorte de... C'est pas dangereux, ça? Eh ben, il y a un code pour accéder au coffre-fort. Ah, il y a un code secret pour accéder au code secret. Et voilà, exactement. C'est très pratique. Bon, sauf si vous paumez le code secret pour accéder à vos codes secrets. Hein, bien évidemment, auquel cas, il faudrait peut-être une autre application pour s'en souvenir. Et oui, la mémoire peut flancher chez les gâteux. Pardon, chez les seniors dynamiques, décidément. Et ils oublient souvent une chose, c'est de mourir. Et moi, et moi, ça ne m'arrange pas. Parce que j'ai acheté une maison en viager à un senior beaucoup trop dynamique de 87 ans. Du coup, j'ai demandé conseils à la société Europe Viager. On peut être encore en pleine forme à 87 ans. Ouais, mais comment je fais, moi? Ah ben, comment vous faites? C'est le principe du viager, si vous voulez. Il y a ce côté aléatoire. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible pour vous de vendre des petites capsules de cyanure? Ah non, ça, on ne le fait pas. Non, on est en France, donc non, ça ne se fait pas du tout. Ça serait une bonne opération pour les deux. Ça serait une bonne opération. Pour vous sûr, et pour moi? Non, c'est pas le cas. Non, nous, ça n'existe pas, ça. Voilà. Et ça, c'est un problème d'innovation bien connu en France. Bon, après, je rigole, mais moi, je suis plus tout jeune non plus, hein. J'ai quand même des cheveux blancs. Et je suis comme tous les vieux, je ne veux pas mourir sans laisser une trace. Ailleurs que dans mon pantalon, je veux dire. Et ça tombe bien, j'ai rencontré les compagnons de la biographie qui proposent d'écrire votre vie dans un livre. Non. Et oui. Alors, est-ce qu'ils pourraient faire ma biographie à moi? Ah oui, bien sûr. Mais est-ce que vous pouvez rajouter des trucs, genre que j'aurais sauvé un enfant de la noyade ou des choses comme ça? Parce que vous l'avez fait. Pas exactement. Ah non. En fait, c'était un bout de bois, mais bon... Bon, écoutez, le bout de bois, moi, je veux bien qu'on le... Vous remplacez par enfant. Mais dans une biographie, on n'invente pas. Mais en revanche, on écrit seulement ce que la personne veut bien transmettre. Ah bah donc c'est bon si je vous dis que c'est un enfant et que je vous l'assure. Si je peux pas le vérifier. Eh bah voilà, bah ça c'est pratique. On attend donc avec impatience la biographie de Rachida Dati, où elle évoquera l'obtention de tous ses diplômes. Celle du copilote de l'Airbus, où on en saura plus sur sa joie de vivre. Celle de Patrick Balkany, qui contiendra toutes les preuves de son innocence. En tout cas, les idées ne manquent pas pour exploiter le filon du vieillissement de la population française. C'est fou combien ces seniors dynamiques en fin de vie permettent à d'autres de bien gagner la leur. Il est 17h42 sur France Inter et à Mulhouse, où vous pourrez retrouver Guillaume Meurice qui joue ce soir et demain à l'Entrepôt. On va bien sûr le retrouver lundi. Nous, on est ensemble jusqu'à 18h en compagnie de Didier Van Coëlhart et avec vous, on va entamer le deuxième sujet. L'extension de Roland Garros déclenche l'ire des zadistes. Oui, mais des zadistes d'Auteuil. Un vent d'insurrection souffle sur le 16e arrondissement de Paris car les serres d'Auteuil sont menacées. Bernadette, il se pose un problème immédiat. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros loup ? Il faut que je m'étende. Ah, bah sur le lit, là, sur les draps. Non, il faut que je m'étende comme ça. Alors, ce soir, j'ai engagé 60 ouvriers. Derrière la maison, il y a de la place. Derrière la maison ? Le potager. Mon potager ? Bah, le potager, 200 mètres carrés, Guillaume. Ma chérie. Je voulais te dire, l'expansion économique, d'accord. Les Japonais, merveilleux. Mais le reste, jamais. Jamais ? Jamais. N'en parlons plus. La zizanie Annie Gérard de Lutte Funès, cet extrait correspond assez bien à ce qui se passe avec l'extension possible de Roland-Garros, pas pour les Japonais mais pour le monde entier, et les serres d'Auteuil, et c'est quelque chose qui... Ah oui, ça touche pas à ma serre. D'ailleurs, mon héros dans le livre Zibal, il s'était déjà enchaîné au Magnolia du Forum des Halles. Donc encore, ça c'était le... C'est un zadiste. Oui, c'était le chantier précédent de Monsieur Delanoë, ça, voilà. qui s'était engagé à ne pas toucher aux serres d'Auteuil, tout ça. Puis après, il y a eu des tas d'événements. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Et heureusement, Ségolène est arrivée et elle va sauver les serres d'Auteuil comme elle a sauvé les feux de cheminée dans Paris. Et oui, alors là, elle était revenue sur sa décision. Enfin, elle avait changé d'avis derrière. Donc, ah oui, mais non, là, elle est pour. De toute façon, la solution existe. Il suffit de couvrir l'autoroute entre la Auteuil et puis ou de d'ailleurs les défenseurs militent pour ça aussi pour préserver les serres. En plus ça coûte beaucoup moins cher et puis là de toute façon c'est un dossier ils sont en train de se prendre les pieds dans le tapis juridique parce qu'il y a en plus les héritiers du constructeur les serres et qui ont lancé des procès pour justement défendre ce patrimoine donc. Et alors Ségolène Royal avait proposé de par exemple faire un terrain provisoire au Parc des Princes. Ouais. Tout le monde a rigolé, même nous d'ailleurs, je pense. Oh, ça m'étonnerait. Mais ceci dit, en lisant le dossier qu'il y a dans l'Observateur cette semaine, on se rappelle qu'à Lille, pour la Coupe Davis, ils l'ont fait. Ils ont mis la terre battue dans le terrain. Non, parce que Roland-Garros, c'est éphémère. C'est très bien, mais c'est éphémère. Donc pourquoi dépenser autant d'argent pour quelque chose de ponctuel comme ça, alors qu'il y a des solutions. Surtout que Federer va arrêter de jouer bientôt. En plus, donc, c'est vrai. Et les serres d'Auteuil, vous y êtes attachés. Oui, de toute façon, alors sur le plan de la... C'est pas un combat bobo, hein, écolo et tout ça. Il y a une biodiversité, il y a des trésors dans les espèces qui sont conservées là-bas. C'est un travail extraordinaire et ça n'est pas démontable, on peut pas transporter. En fait, c'est l'idée de la lutte, c'est de l'événementiel qui fait un bras de fer avec le perpétuel, en fait. Oui. C'est un combat de fond intéressant pour les pseudo-intello, n'est-ce pas, que nous sommes. Vous dites les serres, mais il y a aussi des très belles plantes dans le tournoi féminin à Roland-Garros. Il faut rire, la Didier Van Coëlhart. Didier Van Coëlhart est avec nous jusqu'à 18h. Il publie Jules chez Albin Michel et Clara Dupont-Mono. Vous l'avez lu, vous consacrez votre chronique. Et oui, parce que c'est une actualité, finalement à elle seule, ce roman. Donc, Didier Van Coëlhart, votre roman qui s'appelle Jules. Alors, pour ceux qui ne nous ont pas écoutés depuis le départ, Jules, c'est un labrador qui porte un prénom humain. Ce que je comprends, moi, mon basset s'appelle Alex. Donc, finalement, le coup de griffe. Non, alors, Jules, c'est le chien d'une aveugle, donc qui s'appelle Alice. Alors, déjà, il y a quelque chose qui est pas mal, c'est que vous dédramatisez complètement la situation des aveugles, parce que vous faites de votre Alice une jolie nana pimpante, bien dans sa peau, assez appétissante. Il se trouve que comme elle voit pas les vêtements qu'elle enfile le matin, elle est habillée avec un mini-short rouge, avec des talons aiguilles jaunes et du rouge à lèvres qui est un peu dérapé, comme elle a du mal à cibler. Je cite, une aveugle particulièrement voyante qui faisait davantage envie que pitié. Donc le côté pauvre handicapé, essentiellement victime, ça on oublie. Alice, elle adore la vie, même sans la vue. Bon, ça c'est posé. Et c'est précisément ce qui va faire chavirer un garçon, il s'appelle Zibal. Alors en arabe, Zibala signifie poubelle, parce qu'il se trouve que ce garçon, on l'a trouvé au fond d'une poubelle alors qu'il était nouveau-né. Donc ses parents, dans leur grande générosité, l'ont donc appelé Zibal, histoire de lui rappeler éternellement ses origines. Sympa. Voilà, sympa. Mais nos deux éclopés alors, vont se rencontrer, vont se tourner autour. Là, c'est pas le principal ressort romanesque. La vraie fracture, c'est que Alice va retrouver la vue. Elle tente une opération et il se trouve que ça marche. Après 12 ans de cécité, elle revoit. Et c'est un problème. Pourquoi ? Ben parce que du coup, Jules, son chien, ne lui sert plus à rien. Et là, ça devient très intéressant parce qu'on se dit, mais comment vous allez raconter ce point de vue animal ? Alors, il se trouve que la littérature, de ce côté-là, elle a expérimenté plein de façons de dire l'animal. Par exemple, vous auriez pu faire comme la comtesse de Ségur, qui a écrit les mémoires d'un âne. Voilà. Elle a imaginé l'autobiographie de Cadichon, c'est comme ça qu'il s'appelle, l'âne. Elle dit « je », donc, et elle parle à la place de l'animal. Vous auriez pu faire comme Virginia Woolf, qui a écrit la biographie d'un cocker. Et c'est pas très connu d'elle, mais c'est une biographie qui s'appelle Flush. Et en fait, c'était le chien d'une de ses amies qu'elle adorait. Et d'ailleurs, dans les années 30, son livre a été un de ses plus gros succès en Angleterre. Donc c'était Flush, une biographie. Vous auriez aussi pu faire comme Bernard Werber avec ses fourmis, c'est-à-dire brouiller les pistes en fait entre le règne animal et le règne humain. Werber, il décrit une fourmilière de 18 millions d'habitants, il décrit une copulation d'escargots extrêmement hot, qui n'a rien à envier à Fifty Shades of Grey, et il décrit aussi une stratégie militaire des fourmis, c'est-à-dire que vraiment, il pratique le brouillage entre les deux règnes. Vous, Didier von Kovelaert, le procédé que vous avez choisi, c'est l'humain qui parle de l'animal. C'est-à-dire que le récit alterne entre les voix de Alice et de Zibal, et c'est eux, en fait, qui parlent de Jules, presque plus que vous. C'est-à-dire que c'est le regard humain qui fait exister Jules, exactement au fond comme la cécité d'Alice le faisait également exister. Donc, dans la construction même, votre roman rend hommage au lien humain-animal. Les deux sont liés jusque dans votre façon d'organiser le récit. Quand Alice, elle retrouve la vue, qu'est-ce qu'elle fait en premier ? Elle s'accroupit devant Jules parce qu'elle le voit pour la première fois. Que fait son chien ? Il recule. Mais oui, il a compris qu'elle voyait. Alors du coup, elle fait semblant. Elle ferme les yeux. Elle se laisse un peu trimballer. Bon. Et elle fait en fait comme si elle voyait pas. Et donc, elle ferme les yeux. Elle cherche la poignée de la porte en tâtonnant du mauvais côté. Et je cite, « Son museau n'a pas orienté ma main. » Ben oui, parce qu'il a compris. Elle a beau lui mettre le harnais comme avant, il veut plus avancer, il bouge plus. Bon, en bref, ça ne sert à rien de lui mentir. Jules a compris qu'il ne voyait plus pour deux. Et donc, c'est ça en fait qui est intéressant. C'est tout est dans l'interaction entre Jules et Alice dans l'exemple que je viens de vous citer. Et en fait, vous hissez donc Jules exactement au même rang que sa maîtresse. C'est là d'ailleurs où le prénom Jules prend tout son sens, ce prénom humain. C'est-à-dire que dans votre roman, il n'y a pas un animal et deux humains. En fait, il y a trois personnes. Voilà. Donc, je vous donne les références. Jules de Didier von Kovelaert est paru chez Albin Michel. Est-ce que vous avez mieux compris votre roman maintenant après cette chronique ? Oui, non, mais c'est. Merci, parce que ça, beaucoup de choses ont été dites déjà, mais ça, non. Et c'est vrai que sur la construction même, je me suis posé ce problème, évidemment. Je n'avais pas envie de faire parler le chien, j'avais envie qu'on devine à travers, en effet, ce qu'essaie d'imaginer de ses réactions cette femme et cet homme, où en est le chien ? À quoi il pense, sur quoi il se... Et alors, vous avez parlé des rapports avec Alice, mais quand il va surgir dans la vie de Zibal, qui lui n'a jamais eu de chien, et il fugue pour le retrouver, parce que sa maîtresse ne veut plus de lui, on l'a placé chez un autre aveugle pour le guérir de sa dépression, mais il veut pas de ça. Et il va chez ce type qui est aussi cabossé que lui, il l'a senti, les chiens sentent ce genre de choses, et qui en plus a eu un acte d'héroïsme envers... c'était le dernier acte de la vie normale du chien d'aveugle quand Alice n'y voyait pas. C'est-à-dire qu'on a voulu les séparer à l'embarquement, l'avion était complet, le commandant a dit tous les animaux en soute, on fout Jules dans une cage, il proteste, il aboie, et Zibal quitte son stand de macarons à Orly pour se précipiter, pour le sortir de la cage. Et c'est donc vers lui, vers cet homme qui a eu ce geste-là, c'est vers lui qu'il va filer. Et en même temps, sa maîtresse veut plus de lui, en tant que chien d'aveugle, il sent... avec son instinct d'inutilité qui ne lui sert à rien. Donc s'il lui rapporte un cadeau, vous savez ce que font les chiens quand ils ont des choses à se faire pardonner, et le cadeau ça sera lui rapporter un mec, le mec qui a flashé sur elle et qui en plus est conduit un peu comme un chien d'aveugle, c'est-à-dire avec ce dévouement actif. Et ça, pour rendre ce qu'on suppose des réactions de ce chien, j'avais évidemment besoin du regard et des questionnements humains. Sauf que Zibad a une érection derrière son comptoir de macarons quand il voit arriver à l'aéroport. Et que la première fois, le chien quand même dominant, lui, il sent cette chose-là. Et qu'il y a une réaction quand même d'affrontement de deux mâles face à cette femme. La suite dans Jules, paru chez Albin Michel. Allez, troisième sujet, la Belgique prépare une gigantesque reconstitution de la bataille de Waterloo, mais 200 ans après, en France, c'est un tabou. Pour d'autres, c'est vécu bien sûr différemment. Abat en français, tu es vainqueur et je perds la guerre. Abat en français, oui. Pour le Figaro, c'est un article paru hier, voilà un tison diplomatique pour la susceptibilité française alors que le bicentenaire sera célébré en grande pompe du 18 au 21 juin à Waterloo. À ce jour, aucun officiel français n'est annoncé. Et il y a même beaucoup plus de Belges et d'Allemands pour jouer les Français que de Français. Alors, est-ce que vos origines belges et vous qui êtes français sont tiraillées dans ce tabou français de Waterloo? Je suis très très mal avec ces nouvelles. Je suis en schizophrénie totale. Mais c'est curieux quand même, aucun officiel français. Moscovici, et quand on appelle... il va pas y aller. Il veut y aller. Moscovici, il va y aller. Quand on appelle le Quai d'Orsay et qu'on dit alors qu'est-ce qui se passe, ils disent mais c'est quoi la date? Ils sont pas allés non plus pour la commémoration en Russie. Donc voilà, non, il se réserve pour Sedan, je pense. Ça va être une belle. Parce qu'on est dans la commémoration perpétuelle quand même. François Hollande ne fait que ça depuis 2 ans, bah oui, sauf Waterloo. Et puis. Vous n'arrivez pas à trouver une excuse. J'ai bien entendu, parce que les Allemands sont beaucoup plus fair-play. Pour 40, ils viennent, pour 14-18, ils viennent. Non, mais là, il est partagé, c'est compliqué. Clara, mais alors, il y a un historien qui rappelle que déjà, la France célèbre assez peu les victoires. Austerlitz n'a pas été célébré en 2005. Mm-hmm. Alors, si maintenant, la France se met à ne plus célébrer non plus les défaites, ça, c'est la fin de la commémoration, qui est une mode nationale. Enfin, il reste la fête des voisins, quand même. C'est bien. C'est vrai. Alors, écoutez, oui, on verra si Waterloo, s'il y a un officiel. En tout cas, il y aura l'ambassadeur de France en Belgique. Il manquerait plus que ça. Déjà pas mal. Il manquerait plus qu'ils soient pas là. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors, je vous renvoie vers cet article du Figaro paru hier. D'un point de vue humain, l'histoire de parler d'une ex qui nous a plaqué, c'est toujours plus difficile que de parler de l'inverse. Vous voyez comment l'inverse? Non, d'une ex qu'on a quittée ou une histoire qui se serait terminée. Voilà. Donc, non, je vous acquiesçais de la tête, Didier Van Cowart, ça me va. C'est les plébéantes de Alex Vizorek et on vous laissera réfléchir. On en reparlera à Waterloo. Laisse notre invité sans voix. Vous allez venir, vous. 17h54 sur France Inter. Le vendredi, c'est un moment très attendu pour nos auditeurs. Exactement, vous le savez sans doute, Didier Van Cowart, quand vous écoutez chaque semaine la chanson de Frédéric Fromet. Et quel est le thème? Cette semaine, je me suis improvisé conseiller en nom de parti politique. Les Républicains, mais pourquoi? Qui a choisi ces pas fut-fut? Ne me dites pas que c'est le même gars qui s'est fait appeler Bismuth. Pourquoi pas les blancs comme neige, les philanthropes ou les altruistes à Saint-Tropez, les innocents ou les modestes, les tolérants, les humanistes, tintintin. Je me rends compte que Sardou et Renault, c'est pareil. Je verrais bien les incorruptibles, Patrick Balkany, les pondérés ou les vertueux, Jean-François Copé, les poètes, les ultra-sensibles, Christian Estrosi, pour les gentils, les généreux. Là, j'ai pas trouvé. Et j'ai un doute pour les gentils. Il nous faudrait un subterfuge pour le caïd de Neuilly. Gentil n'est rien d'autre qu'un juge. Quelques idées bien moins fantasques. Pourquoi pas les petits frères des pauvres ou les permanents du spectacle. Mais il y en a aussi chez les autres. J'avais pensé à plus classieux. Vous pouvez pourriez être les grosses têtes avec des blagues d'hortefeu et Nadine Morano qui pète. Finalement, pour être réglo et que personne ne se gausse dans les nouveautés du dico, pour vous, j'ai trouvé les bolos. Merci, merci Éric Fromet. Frédéric Fromet. Et dans les nouveaux noms du Dico, il y avait aussi Zadis, tiens. Exactement. Merci Didier Van Kovelaert d'être resté avec nous. Je retraduis, hein, Didier Van Kovelaert, c'était bien lui aujourd'hui avec nous. Vous publiez Jules, c'est votre dernier roman chez Albin Michel. Vous pouvez réécouter évidemment la chronique de Clara Dupont-Mono, la podcaster sur franceinter.fr, si vous voulez reprendre la perspective sur cet ouvrage. Et si vous êtes lancé, écoutez celle d'hier sur l'intestin. Oui, c'était bien. C'était intéressant aussi. Un peu plus grêle. Oui, oui. À la technique aujourd'hui, il y avait Tristan Gratalon, Mehdi Fattah. Merci à Claire-Sophie Collet, Nathalie Romero qui prépare cette émission. Merci à Benjamin Riquet qui la réalise. On va se retrouver la semaine prochaine avec notamment Jean-Pierre Mocky, Jean-Pierre Coff, que des grandes gueules, mais aussi Audrey Lamy et Daphné Roulier. Daphné Roulier que vous retrouvez aussi samedi, donc demain soir, 19h20, avec comme invité Juliette Binoche. Et on laisse le mot de la fin, Didier Van Kovelaert. Eh bien, laissons-le en souvenir de la bataille de Waterloo. Napoléon mon cul, m'intéresse pas du tout cet enflé avec son chapeau à la con.